force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais dire à quelqu'un, quand Dieu t'a visité et qu'il t'a béni, apprends à lui dire merci et à revenir auprès de ceux qui ont prié pour toi pour donner une offrande d'action de grâce. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma sœur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière OSB, opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier selon Esdras chapitre 6, 1 à 15. Chaque matin je me lève, je prie avec OSP. Chaque matin moi je prie avec OSP. Lisons Esdras 6, 1 à 15. Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Akhmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur, 3 rangées de pierres de taille et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shethar, Boznaï et vos collègues, Apharsak, qui demeurait de l'autre côté du fleuve. Tenez-vous loin de ces lieux. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que le gouverneur des Juifs et des anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne, touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes, afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux, jeunes taureaux, béliers et agneaux, froment, sel, vin et huile, seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem, pour jour par jour et sans manquer, afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgresse cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. Que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole, pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Shethar Boznaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Agé, les prophètes, et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre des dieux d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi des Perses. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Amen. Je vais partager avec vous trois vérités tirées de ce passage. Première vérité, c'est l'importance des archives ou de la recherche. Nous avons besoin des archives dans nos entreprises et même dans l'Église. Lorsque nous voulons vérifier quelque chose qui a été fait il y a 5 ans, il y a 10 ans, nous devons donc avoir des archives. C'est pourquoi nous devons avoir même des gens, des spécialistes qui peuvent nous aider dans l'archivage des documents pour vérifier les documents, pour vérifier les comptes, pour vérifier les décrets, pour vérifier les décisions, pour vérifier les PV des réunions. C'est important. Ici, nous voyons que le roi Darius a demandé qu'on fasse des recherches pour vérifier si ce que les enfants d'Israël qui rebâtissaient le temple était vrai. Parce qu'ils ont dit que c'était le roi Cyrus, roi des Perses, qui avait ordonné la reconstruction du temple de Jérusalem. Et effectivement, en vérifiant ces archives, ils ont trouvé que c'était exact. Donc, il est important pour nous d'avoir les archives. Il est dit au verset 2, « Et l'on trouva à Ashmeta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus, le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem, que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices et qu'elle ait des solides fondements. Elle aura 60 coudées de hauteur, 60 coudées de largeur. » Amen. Deuxième vérité. Dieu incline les cœurs des autorités de ce monde pour faire sa volonté. Lorsque tu as un chef, tu as un DG, tu as un ministre, tu as un maire, un président du conseil régional, même s'il ne connaît pas le Seigneur, tu vas prier pour lui. Dieu est capable d'incliner son cœur pour qu'il prenne des décisions favorables à l'avancement de l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous voyons ici. Dieu a incliné favorablement le cœur du roi Darius, qui lorsqu'il s'est rendu compte, en vérifiant dans les archives, qu'effectivement son prédécesseur, roi Cyrus, roi des Perses, a signé un décret ordonnant la reconstruction du temple, lui aussi il s'est aligné dans ce sens. Et lui aussi est allé même au-delà, il a donné des ordres jusqu'à maudire quiconque ne va pas exécuter ses ordres, vous voyez. Dieu est capable d'incliner favorablement. La Bible nous dit quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Il est dit ici au verset 7. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu, que les gouverneurs des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Et le verset 8 dit, voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard des anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison. Les frères, pris sur les biens du roi, provenant des tribus de l'autre côté du fleuve, seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Donc nous avons besoin des autorités qui comprennent que ils doivent soutenir les œuvres religieuses, ils doivent soutenir l'Église. Et ici même le roi dit, pour que ces gens puissent prier pour le roi et pour ses fils. Donc même les rois païens reconnaissent que la prière que les enfants de Dieu font est peut être bénéfique pour leur propre vie. Il dit au verset 10, « Afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. » Et le verset 11 dit, « Voici l'ordre que je donne, touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il soit attaché et l'on fera de sa maison un tas d'immondices. » Vous voyez, troisième vérité, si Dieu est avec nous, ce que nous avons commencé sera achevé. Je vais dire à quelqu'un, tu t'es engagé dans un projet. Tu trouves qu'il y a toujours des combats. Ne baisse pas les bras. Le Seigneur est avec toi. Oui, le diable sera toujours là pour te combattre. Mais quand la chose vient de Dieu, tu vas triompher. La Bible dit tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ce projet de mariage vient de Dieu. Il y a beaucoup de blocages, beaucoup de difficultés au niveau de la famille. Mais mon frère, prends courage. Ma sœur, prends courage. Tu vas achever l'œuvre de Dieu. Oui, je vais dire à quelqu'un, pour bâtir la maison, vous voyez, l'ennemi n'a jamais voulu que vous puissiez habiter dans une maison. Il a voulu toujours que vous soyez locataire. Mais vous avez commencé une œuvre. Vous avez vu comment Dieu lui-même a pourvu pour que vous puissiez avoir ce terrain. N'ayez pas peur. Dieu va pourvoir. Vous allez construire la maison. Vous serez étonné. Ce que vous avez commencé sera achevé. Vous serez propriétaire des maisons. Vous entrerez dans votre maison. Ne baissez pas les mains. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Ici, nous voyons que après les prophéties des prophètes et l'ordre du roi Darius, ceux qui bâtissaient la maison de Dieu ont continué et la maison fut achevée. Le verset 14 dit, les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Agée, les prophètes et de Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerxès, roi des Perses. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. La maison sera achevée. Ce que tu as commencé dans ton ministère sera achevé au nom de Jésus. Ce projet sera achevé au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Alléluia. Notre Dieu mérite la gloire. Notre Dieu mérite la louange. C'est pourquoi il te demande là où tu es de lever tes mains, de commencer à lui dire merci, de bénir son saint nom pour cette parole qui t'encourage. Parce que ce qu'il commence, il va parachever. Élève ta voix. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB. Le passage d'aujourd'hui, c'est Esdras 6, 1 à 15. Au microphone, votre serviteur révérend Dieudonné Ngoumbi. Oui, cette émission est produite à partir d'Abidjan sur la Radio Nationale des Églises Protestantes Évangéliques de Côte d'Ivoire, appelée la Radio Fréquence Vie. Nous saluons tous ceux qui reçoivent OSB partout en dehors de la Côte d'Ivoire, partout en Afrique, au Maroc, en Afrique du Sud, au Sénégal, au Congo RDC, à Brazzaville, au Kenya. Oui, partout où vous nous recevez, en Europe, à Bruxelles, à Paris, à Lyon, partout où vous êtes, au Canada, à Ottawa, à Montréal, partout où vous nous recevez, aux États-Unis, à New York, à Washington, à Dallas, que Dieu vous bénisse. Partagez OSB avec plusieurs des amis, des membres de famille. Nous rappelons que notre passage, c'est Esdras 6, 1 à 15. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour que Dieu nous aide à savoir bien conserver nos archives, afin que, en cas de besoin, nous puissions les consulter au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te bénissons, nous te glorifions, nous magnifions ton saint nom. Chaque matin, c'est avec joie, c'est avec plaisir que nous invoquons ton nom. Parce que nous savons que c'est toi qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Ce matin, nous prions au Père éternel et nous demandons que tu nous aides par ton Esprit Saint à conserver nos archives au sein de nos différentes communautés, à conserver les archives, les procès-verbaux des réunions, les archives de toutes les activités des églises, des ministères, afin qu'ils puissent être utilisés à bon escient en temps opportun. Nous prions au Père éternel et nous demandons que par ton Esprit Saint, tu nous accordes le sens de l'organisation, le sens de la planification, parce que tes fils et tes filles qui sont appelés à la tête des différentes organisations chrétiennes l'ont fait pour contribuer à l'avancement de ton œuvre. Fais en sorte, ô Père éternel, que dans chacune de nos communautés, il y ait un comité dédié à cette planification, à cet archivage. Ô Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Nous prions contre tout manque de planification, contre toute forme de dysfonctionnement au niveau de nos différentes communautés. Parce que ta parole déclare dans 1 Corinthiens 14, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. paix. Merci pour la sagesse que tu nous accordes. Merci pour le sens d'organisation que tu donnes à chacun de tes enfants. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons prier pour nos autorités afin que Dieu incline leur cœur en faveur de son œuvre, en faveur de l'Église, en faveur de l'évangélisation, en faveur des chrétiens, comme il a incliné le cœur du roi Darius. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Dieu bon, Dieu éternellement grand, nous t'élevons ce matin pour tes merveilles sans fin, pour tes grâces surabondantes, pour ces bénédictions de tous genres que tu nous accordes. Merci pour les autorités que tu nous as données dans ce pays. Nous prions d'incliner le cœur comme tu l'as fait pour Darius en faveur de ton peuple. Nous prions donc que ces autorités présentes, quel que soit leur bord politique, quel que soit ce qu'ils sont, quelles que soient leurs idées, quelles que soient leurs appartenances, que leur cœur soit en faveur à l'Église, que leur cœur soit en faveur, oui, aux chrétiens de ce pays. Merci, cher Saint-Esprit, pour ton œuvre dans la vie de toutes ces personnes que tu as établies sur nous, à quelque niveau que ce soit. Nous déclarons qu'en cette saison que nous avons entamée, que le projet des autorités, Saint-Esprit de Dieu, puisse favoriser tes enfants, car tes enfants prient depuis longtemps. Tes enfants te louent, te glorifient pour la paix, pour la joie, pour que ta volonté se manifeste, pour ta victoire dans ce pays. Nous déclarons donc que le bonheur et la grâce accompagnent chacun de nous et nous sommes plus que vainqueurs parce que tu nous as bénis. Merci Seigneur, parce que nous avons crié à toi, un Dieu qui répond à nos prières. Et ce Dieu nous a répondu et nous voici dans la joie. Merci Père, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Si Dieu est avec nous, ce que nous avons commencé sera achevé. Nous allons prier pour l'achèvement de tout ce que nous avons démarré, des projets que nous avons démarrés. Et nous allons prier pour que tout esprit de non-achèvement ou de non-accomplissement soit lié, soit chassé au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Très excellent Père, nous te disons merci d'un cœur reconnaissant. Nous disons merci au Seigneur trois fois saint, car tu as donné ton Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Ce matin, nous élevons nos mains, nous nous prosternons devant toi pour exprimer notre reconnaissance. Nous prions au Père éternel contre toute forme d'esprit, contre tout esprit de non-accomplissement dans nos vies, dans nos concernant nos projets, concernant les activités de nos communautés. Nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que tout projet que nous avons initié ira jusqu'à son terme, quelle que soit la nature de ce projet. Nous prions contre tout blocage, contre toute paresse, contre tout esprit de procrastination, contre toute opposition à l'évolution, à la mise en œuvre et l'achèvement de ces différents projets. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons que les projets sataniques, les projets des puissances des ténèbres pour bloquer l'achèvement des activités initiées par les enfants de Dieu est lié dans le nom puissant de Jésus. Lève-toi, ô Père, et disperse les ennemis de tes enfants. Nous nous tournons vers toi. Nous mettons notre foi, nous mettons notre confiance en toi pour l'achèvement de nos différents projets, de tout ce que nous initions. Parce que nous le faisons, c'est pour l'avancement de ton œuvre. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous te disons merci à l'avance parce que nous avons la victoire sur les forces rétrogrades. C'est au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la faveur de Dieu. Que cette journée soit une journée de succès dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un, oui, qui attend l'argent aujourd'hui, je proclame une percée. Oui, je proclame que les écluses des cieux te sont ouvertes et que tu reçoives l'argent dont tu as besoin pour pourvoir à tes besoins et pour payer tes factures dans le nom de Jésus. Je prie pour que ceux qui vont se déplacer, ceux qui vont effectuer un voyage, que ce soit à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, que ce soit à l'extérieur, partout, qui vont prendre des avions, les cars, que le Seigneur vous couvre, que Dieu garde votre départ et votre arrivée. Et là où vous partez, soyez des ambassadeurs, annoncez la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous utilise pour accomplir ses exploits au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter. Faisons monter notre adoration.